Eban demande à l'accueil du magasin. Il y a encore des tickets d'or ? Oui, on a mis en jeu 5000 nouveaux tickets d'or de 250€ carte U. Avec votre carte U, vous recevez un ticket à gratter à partir de 25€ d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6 ? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. RTL présente La Vallée des Immortels, la nouvelle aventure de Blake et Mortimer. Retrouvez le capitaine Francis Blake et le professeur Philip Mortimer dans les ruelles dangereuses de Hong Kong. Quête de pouvoir, vengeance, exotisme. Plongez dans une bande dessinée pleine d'action et de suspense. Blake et Mortimer, La Vallée des Immortels, actuellement en librairie avec RTL. Chérie, tu me sers un café ? J'y vais. Bah qu'est-ce que t'as ? Je viens de voir un prix Black J. Ah oui, je comprends, ça coupe le souffle. Aujourd'hui, c'est un Black J Playmobil chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur tous les jouets Playmobil. C'est ça, la magie des Black J. Et c'est seulement chez Jouet Club. Jouet Club. Voir conditions magasin. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Quel est le premier artiste qui a réalisé le portrait de Michael Jackson chez Sophie Orange ? Andy Warhol. Voilà. Et cela, vous pouvez le découvrir dans l'exposition Michael Jackson on the Wall, qui se tient au Grand Palais. Et si vous nous avez appelé au 3210, vous avez gagné donc le catalogue de l'exposition, qui est magnifique. Merci infiniment à toute l'équipe. Il est temps de retrouver Julien Courbet. On the Wall également, pour démarrer, pour aider tout le monde. Voilà, avec des danseuses, deux danseuses que j'ai récupérées. Ah oui ? Gina Novakovic, oui. Pamela Felono, qui vont danser derrière moi. Elle travaillait où jusqu'ici ? L'une, travaillez-vous, maître Novakovic ? Vous avez fait vos études au Moulin Rouge ? Oui. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Au Lido non plus. Sachez que maître Novakovic a une dose d'humour qui est limitée quand on, quand on s'attaque à son métier. Il faut que vous le sachiez, vous avez voulu la lancer là-dessus. Bah, maintenant, vous allez récupérer les foudres. C'est vous qui nous avez initiés, quand même. Passez une bonne journée, mon vin. Bonne émission, ciao. On vous écoute avec plaisir. Virginie a une mission pour nous, c'est parti. Je vous appelle de l'Indre. J'ai réglé 101 000 euros à un constructeur pour la construction de ma maison et elle prend l'eau de toutes parts. Une expertise met en cause la responsabilité du constructeur au niveau de la toiture, mais malgré cela, je n'ai ni de nouvelles de lui, ni de son assurance. Et je vous conseille d'aller voir les photos sur le Facebook, la page ça peut vous arriver. Il y aura également le cas de Vincent. Je vous appelle de Seine-Saint-Denis. J'ai emménagé dans un appartement en octobre dernier et je n'ai toujours pas de chauffage, comme une cinquantaine d'autres locataires dans mon immeuble. Et le comble, c'est que je paye le chauffage collectif dans mes charges tous les mois. Nous reviendrons bien sûr sur tous les cas qui ont bloqué. Il y a à côté de moi, pour régler tous ces problèmes, la grande avocate pénaliste Maître Novakovic qui est avec nous du barreau de Paris. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Maître Felono. Bonjour à tous. Hervé Pouchol. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. JB, Charlotte, Céline, une émission réalisée par Xavier Kassovitch. C'est le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France. Merci d'être avec nous ce matin. Évidemment, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment pour passer dans une émission future ou dans celle-ci au 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Gratuit également, rtl.fr. Vois-tu, alerte ou patraque, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. J'accueille Virginie sur l'antenne d'RTL. Bonjour Virginie. Bonjour Julien. Vous nous appelez d'où Virginie ? J'appelle de l'Indre. Vous devez vous peler comme nous, je suppose, dans l'Indre, Virginie. Oui, c'est ça. Ce matin, ça a gelé. Il fait combien exactement ? On avait moins 3 ce matin. Oh la vache. Pardon pour cette analyse sur la météo. Virginie, allez-y. Racontez-nous, vous êtes déjà maman célibataire, vous êtes pompière professionnelle, mais il vous arrive un petit problème et RTL est là pour vous aider. Nous vous écoutons. Donc, l'année dernière, j'ai fait construire une maison où j'ai eu la réception au mois de juin. Et depuis le mois de décembre, ma maison prend l'eau au niveau de la toiture et j'ai des dégâts énormes au niveau des plafonds. C'est vrai qu'on voit des photos qui sont assez impressionnantes. Donc, je suppose que vous donnez quelques coups de fil tout de suite. Par exemple, le couvreur ? C'est ça, tout à fait. J'ai appelé le couvreur pour lui dire que j'avais quelques soucis, mais pour lui, tout allait bien. Bon, il est venu voir ? Il est venu voir avec un expert qui m'a posé les tuiles et pour eux, il n'y avait aucun souci. Alors, comment ils expliquent que les combles soient inondés comme ça ? Ben, pour eux, c'était dû que je n'avais pas d'écran sous toiture ou un mobile de la maison. Attendez, ça a coupé, je suis désolée. Vous n'aviez pas une sous toiture ? Un écran sous toiture. Mais ça, c'est pas lui qui doit le poser, l'écran de sous toiture, le couvreur ? Alors, normalement, ce n'est pas obligatoire. La loi ne l'oblige pas. D'après le constructeur, je n'avais aucune obligation de le mettre puisqu'on n'était pas dans une région à neige. Mais après les expertises, étant sous un vent dominant, ils avaient l'obligation de me l'imposer. Alors JB, qui est un peu le spécialiste construction de l'équipe, va nous en dire plus. C'est vrai que pendant des années, c'est lui qui organisait les chantiers de l'émission Tous Ensemble. Donc je crois qu'il a plus de 300 maisons à son actif. Donc on ne va pas lui faire le coup de la sous-toiture, je vous le dis tout de suite. JB, qu'en est-il sur cette sous-toiture? Je découvre. Alors oui, je m'appuie aussi sur des artisans. J'ai eu en ligne Adrien Renouat, notamment. Ce monsieur dont l'entreprise est basée à Moulins-sur-Seyfond dans l'Indre, et l'artisan qui est venu examiner les travaux de couverture chez Virginie en même temps qu'un huissier de justice. Comme vous pouvez l'entendre, son constat est sans appel. Il faut déposer la couverture, mettre l'écran de clôture et reposer la couverture. Parce que malheureusement, à chaque fois qu'il y aura de la pluie avec du vent, la cliente, il faudra qu'elle refasse le plafond. Parce que ça pose dedans. C'est dans un endroit qui est assez venteux, et par le fait, l'écran de clôture devient obligatoire. Oui, car à la base, l'écran sous-toiture n'est pas obligatoire, il est simplement préconisé. Seulement, quand vous vivez dans un secteur dégagé et exposé au vent, comme c'est le cas de Virginie, le poseur se doit de fortement préconiser au client l'installation de cette protection. Or, en l'espèce, ça n'aurait pas été fait. Bon, alors, est-ce qu'on peut parler, Maître Novakovic, tout de suite d'un défaut de conseil? Et quoi qu'il arrive, est-ce qu'un couvreur peut dire, comme vous n'aviez pas mis ça dans votre toiture que j'ai moi-même posée, mais que vous ne m'avez pas demandé de le mettre, mais tant pis pour vous si c'est inondé. Non. Si c'est inondé, c'est que quelque part, je suis désolé, le couvreur a quand même pas fait son job. Enfin, mais c'est pas méchant ce que je dis, je pose une question. Bien entendu, on est face effectivement à un professionnel qui a une obligation de conseil, qui doit établir dans les règles de l'art effectivement toute construction. Parallèlement, donc ça fait partie de nos conseils à donner. D'ailleurs, Virginie a bien pris une assurance dommage ouvrage, et tant mieux. Et l'expert de l'assurance dommage ouvrage a rendu une expertise qui démontre effectivement les inondations, le fait que effectivement tout est inondé, que la maison n'est pas habitable. Donc le dossier est tout à fait complet, qui nous permet aujourd'hui d'appeler ce fameux constructeur. Bien sûr, alors nous allons le faire dans une seconde. Restez avec nous sur RTL. Une dernière question, Virginie. Maintenant, les conséquences de tout ça sur votre maison? Aujourd'hui, les conséquences, c'est que je me retrouve avec un trou dans le plafond de la salle à manger, avec des dégâts également dans ma chambre. Et l'isolation qui est totalement mouillée n'est plus active. Donc forcément, on ressent le froid. Quoi. Le compte à rebours a démarré parce que j'ai l'impression que la maison va maintenant pourrir à petit feu, mais petit à petit. Si on laisse l'eau comme ça rentrer dans la maison, ça va être une catastrophe. Voilà. Et d'ailleurs, l'assurance dommage ouvrage SMABTP a indiqué « Nous vous informons que les garanties de votre contrat s'appliqueront pour le désordre suivant. Ah. Infiltration par le versant arrière de la toiture qui ont endommagé les plafonds du salon, de la chambre 1 et du garage. Nous vous ferons part de l'indemnité, etc. L'assurance dommage ouvrage, donc, qui a bien fait son travail et qui a fait venir sur place un expert. Eh bien, nous allons appeler, si vous le voulez bien. Ah, j'ai une petite musique qui arrive à l'instant. Vous la reconnaissez? Elle est connue, celle-là. Oui. Ah bah oui, évidemment. C'est celui qu'on va appeler dans une seconde. Donc il va répondre, et puis je lui parlerai. Il va me dire, prends une petite tuile, mets-la sur une autre. Si tu laisses un trou, ça va nous inonder. Il y a de l'eau partout, j'ai de l'eau jusqu'au mollet. Quand je pense à ce que j'ai casqué, ça cause à me faire chier. Ah, toi. Pardon, je suis désolé. Virginie, je prends votre cas très à cœur, c'est pour ça que je me laisse un peu aller. Oui. Nous allons maintenant appeler ce monsieur qui va nous expliquer comment il fait les toitures. Ça va se passer dans une seconde sur l'antenne d'RTL et vous serez là pour écouter cette négociation car le 9h30-11h est là pour négocier en direct. De quoi parlerons-nous après? Vincent, c'est un cas d'urgence puisqu'il n'a pas de chauffage chez lui. Eh bien, ça sera dans une seconde. RTL, 9h30-11h, l'émission qui règle vos problèmes, spéciale habitation ce matin. Passez une bonne journée et couvrez-vous, je vous le dis. Conseil à vous donner, mais couvrez-vous, je vous le dis. En France, près de 1000 cambriolages ont lieu chaque jour. Il existe pourtant des solutions pour les éviter. On en parle avec Benoît, expert sécurité Verisure. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. C'est vrai, les cambrioleurs ne prennent pas de vacances, mais ils profitent des vôtres. Notamment en décembre, qui détient le record du nombre de cambriolages. Vous avez un conseil pour nos auditeurs? Par exemple, à la veille des fêtes, évitez de laisser les cadeaux en évidence ou les cartons dans les poubelles le lendemain de Noël. Ah oui. Et n'hésitez pas à simuler au moins une présence les soirs de fête. Et que proposez-vous chez Verisure pour vraiment rassurer les familles? La meilleure solution, c'est la prévention. Chez Verisure, nous vous protégeons grâce à des systèmes d'alarme connectés à des humains 24 heures sur 24. Dès qu'une intrusion est avérée, nous alertons les forces de l'ordre. Merci Benoît pour ces précieux conseils. Retrouvez toutes les solutions Verisure sur verisure.fr. RTL, on a tellement de... de choses à se dire. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour, c'est la semaine du Black Friday avec des offres de folie. Il y a 50% d'économie sur le caviar Bailly. La boîte de 10 grammes revient à 5 euros. Résultat des courses, ça c'est un vrai Black Friday de tsar. Jusqu'au 25 novembre, c'est le Black Friday chez Carrefour et chez Carrefour Market. La boîte de caviar Bailly est à 5 euros au lieu de 10 euros après déduction de la remise fidélité créditée sur votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Origine Italie, rayon traiteur à la coupe, modalité magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, c'est Black Friday chez Kiabi. C'est le Black Friday chez Kiabi. Pendant 6 jours seulement, profitez de moins 30% sur l'ensemble de nos collections. Exactement, moins 30% sur des milliers d'articles, en magasin et sur kiabi.com. Le Black Friday par Kiabi, du 21 au 26 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à l'accueil du magasin. Il y a encore des tickets d'or ? Oui, on a mis en jeu 5000 nouveaux tickets d'or de 250 euros carte U. Avec votre carte U, vous recevez un ticket à gratter à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6 ? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec cette pauvre Virginie, maman célibataire, pompière professionnelle dont la maison prend l'eau. Elle a payé 101 000 euros pour cette maison et le résultat est catastrophique. Le problème viendrait de la toiture et il y a des photos sur notre page Facebook. Et nous allons appeler le constructeur. Déjà dans un premier temps, nous allons lui demander de nous donner sa version des faits. Pourquoi y a-t-il de l'eau sur cette toiture qu'ils ont posée ? Pourquoi n'a-t-il pas mis ce fameux, je ne sais plus comment ils appellent ça, une sous-toiture ? Un écran sous-toiture. Ah bon, un écran sous toiture. Alors on va voir, c'est parti. Ça va sonner d'une seconde à l'autre. Nous sommes du côté de Châteauroux. Nous sommes chez ce constructeur qui s'appelle... Tradiatlas, bonjour. Bonjour Tradiatlas. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, peut-être la gérante, Madame Pincou, ou un chef de chantier, Stéphane, concernant une dame qui a de gros problèmes avec sa toiture ? Ah, alors, le chef de chantier, lui, est sur les chantiers, donc je ne peux pas vous le passer. Mais c'est déjà une bonne nouvelle, parce que vous voyez, il est au ski, ça voudrait dire qu'il ne fait pas son travail, il le fait, donc on ne va peut-être pas l'embêter. Qui est là, s'il vous plaît, chez Tradiatlas ? La directrice, Madame Pincou. Ah bah parfait, si on pouvait la voir, ça serait formidable. Je vous demande un instant, n'hésitez pas. Mais je vous remercie, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Donc, ce monsieur de Tradiatlas NP Construction est allé chercher Madame Pincou et nous allons lui demander, Madame Pincou. Donc, si j'ai bien compris, Virginie, cette maison, oui. C'est un terrain que vous avez engagé cette société pour vous faire une construction. Oui, tout à fait. Donc, vous avez payé combien pour la construction de cette maison par Tradiatlas ? J'ai payé 101 000 euros plus 10 000 euros de chauffage, donc ce qui me revient à 110 000 euros. D'accord, donc je ne veux pas être mauvaise langue, mais j'ai donc un constructeur en face de moi qui, je dis, s'il vous plaît, pouvez-vous me construire une maison ? Il me dit, ça vous fait 101 000 euros, tenez, 101 000 euros, il me construit la maison prend l'eau, puisque ça rentre par le toit, et là il dit, ben oui madame, mais il aurait fallu que l'on mette un truc sous le toit, mais ça aurait coûté plus cher. Mais est-ce qu'à un moment donné, Virginie, il vous a dit, et vraiment, si je mets ça, il faut rajouter ça. Et puis, depuis quand on demande ? Je veux dire, on fait un toit qui ne prend pas l'eau. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un dire. Ah bon, alors c'est Hervé qui est en train d'avoir peut-être cette dame en direct, je crois, c'est ça ? Vous avez Madame Pincou. Ah, oui, Madame Pincou. Oui. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Madame Pincou. Je me présente, je suis Julien Courbet, j'espère ne pas trop vous déranger, je vais faire très vite. J'ai Virginie Magui qui est en ligne avec nous, cette jeune maman qui vous a acheté une maison, enfin la construction d'une maison, dont vous l'avez vu, cette maison prend l'eau, puisqu'il y a un gros problème sur la toiture. Et on ne comprend pas bien pourquoi Tradiatlas ne vient pas faire les travaux, ou en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, c'est pour ça que je me permets de vous appeler pour que vous puissiez rectifier. Comment se fait-il qu'on est dans cette situation ? Tout ça est en cours, monsieur. Alors, en cours, ça veut dire quoi ? Tout ça est en cours. Tout simplement, alors ça veut dire qu'il y a eu, que Madame Magui a fait appel à l'assurance et qu'il y a un expert qui s'est déplacé. Oui. Et nous n'avons pas encore le retour de l'expert précisément, mais ça devrait se faire... Ça devrait se faire, là. Parce que là, l'eau, vous l'imaginez bien, avec le temps qu'il fait, la maison commence à se remplir un petit peu d'eau. Mais vous, en tant que professionnel, vous qui avez construit cette maison, vous analysez le phénomène comment ? Comment se fait-il que dans cette maison, l'eau rentre par le toit ? Alors, c'est, pour nous, ce sont des infiltrations de neige. D'accord, mais en fait, les maisons tradies Atlas, quand il y a de la neige, prennent l'eau ? Non, pas tout à fait, monsieur. Pas tout à fait, non. Bah alors, comment vous l'expliquez ? Non. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, ce n'est, comme je vous l'expliquais, pas de l'eau, mais d'une infiltration de neige poudreuse, oui, qui peut arriver en fonction, donc, du vent, du sens où tout ça tombe. C'est un phénomène, c'est ce que nous, on appelle un phénomène climatique exceptionnel. Mais est-ce que ce phénomène, par exemple, chez ses voisins, ont été constatés? Parce qu'il n'y a que dans sa maison. Enfin, moi, j'ai eu quelques maisons dans ma vie, madame. J'ai jamais eu des infiltrations de neige, hein. Eh bien, écoutez, ça peut se faire, mais il y a une autre construction, une autre de nos maisons dans le même lotissement, et ils n'ont pas eu ces désagréments. Voilà, donc ce qui veut bien dire qu'il y a... Vous venez de donner la réponse à ma question. Si vous avez une maison Tradi Atlas juste à côté qui n'a pas pris la neige, ça veut dire que celle-ci, il y a eu un petit défaut dans la construction, peut-être. On peut peut-être l'imaginer, en tout cas. Ben, pas vraiment, puisque les experts parlent aussi d'exposition. Donc, on est dans un lotissement, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, madame, est-ce que je peux dire, sur l'antenne d'RTL en direct, et vraiment n'hésitez pas à me contredire, que donc, si j'achète une maison Tradi Atlas demain, et qu'il y a de la neige, il y a une petite chance en fonction de l'exposition, etc., pour que la neige rentre dans la maison. Est-ce que je peux dire ça? Vous pouvez dire ça, mais pas uniquement sur les maisons Tradi Atlas, sur toutes les maisons. Ben oui, mais le problème, c'est qu'en 20 ans, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, on en a appelé des constructeurs, je peux vous dire, mais c'est la première fois que j'entends qu'il se peut qu'en fonction de l'exposition de la maison, excusez-moi, quand on achète une maison, j'ose espérer que le professionnel en face me dise, eh bien voilà, je vais vous donner des conseils sur l'exposition et compagnie. Mais alors, si c'est la faute à pas de chance, je ne sais pas, madame, ce matin-là, si vous faites beaucoup de pub, hein, enfin, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il n'y ait pas, à votre avis, pour qu'il n'y ait pas de neige? Il aurait fallu faire quoi? Parce que vous lui avez parlé d'un... neige. Oui, dedans. Vous lui avez parlé d'un truc, d'un écran de sous-toiture à un moment donné. Vous auriez dit, un couvreur est venu et a dit qu'il aurait fallu faire installer un écran de sous-toiture qui n'existe pas et qu'il y aurait dû avoir plus de tuiles. Alors, attendez, c'est deux choses complètement différentes. L'écran sous toiture, en effet, est destiné notamment à éviter ces infiltrations de neige poudreuse. Dans le cas de Madame Magie, il n'a pas été vendu, donc pas posé. Ouais. D'accord. Vous lui avez proposé placements... Pardon ? Vous lui avez proposé l'écran de sous toiture ? Oui. Ah, et elle a refusé ? Elle a refusé, en effet. Ah, Virginie, il paraît que vous avez refusé l'écran de sous-toiture. Ben, Madame Pincourt est de très mauvaise foi, puisque je rappelle que son commercial, au moment de la signature, m'a notifié qu'un écran de sous-toiture dans notre région n'était pas indispensable. Et dans le cas où on n'était pas dans une région à neige, il était pas normal de... C'est tout à fait vrai, Madame Bagie, l'écran sous toiture n'est pas obligatoire dans notre région. Donc à partir du moment où on lui dit ça ne sert à rien d'en mettre un, le client n'étant pas un expert de la construction, elle l'écoute. Maître Novakovic, avocat. Nous ne lui disons pas ça ne sert à rien, nous lui disons ce n'est pas indispensable. Alors justement, bonjour Madame Maître Novakovic, alors justement, vous indiquez, vous reconnaissez vous-même que vous n'avez pas conseillé cet écran sous toiture. Maintenant, vous voyez bien que c'était une erreur de votre part en tant que professionnel d'avoir conseillé une absence effectivement d'écran sous toiture. Vous avez reçu une lettre commandée, une mise en demeure de l'huissier instrumentaire que vous avez laissé le constat d'huissier le 13 avril 2018 qui vous mettait en demeure justement de faire poser immédiatement un écran sous toiture et de prendre en charge également les frais y afférents. Là-dessus, il y a une expertise qui a eu lieu, une expertise dommage ouvrage. L'expert a rendu un rapport qui est tout à fait clair. Le rapport définitif n'est pas encore rendu, mais le pré-rapport démontre que effectivement il faut procéder de toute urgence effectivement à des mises en œuvre pour remettre en état cette maison. Que faites-vous aujourd'hui? Qu'entendez-vous faire aujourd'hui? Madame, juste une seconde, je dois marquer une petite pause et je vous retrouve juste après. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez dire sans aucun problème. Hervé, vous récupérez l'appel s'il vous plaît et on salue le chanteur qui est juste derrière parce que de temps en temps on entend... Alors je ne sais pas, j'essaie de chercher depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je suis sur tous les réseaux sociaux, les sites de musique pour essayer de savoir si quelqu'un nous écoute et sait qui chante parce que maintenant je l'ai dans la tête. J'ai envie de le chanter toute la journée. On verra bien dans une seconde sur RTL. À partir de 50 ans, les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Pierre, vous avez 52 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles sont les conséquences dans votre quotidien ? Je suis obligé de me lever plusieurs fois dans la nuit et le manque de sommeil se fait sentir au fil de la journée. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour empêcher les envies nocturnes, commencez par limiter les boissons après 19h. Si ces conseils ne suffisent pas, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Passez une bonne matinée avec RTL. Leclerc. Thibault, mercredi chez Leclerc. Et mercredi seulement, 30% de réduction immédiate sur les Lego. Je dis ça, je dis rien. Tu veux dire Lego Ninjago, Lego City, Lego Star Wars, Lego Friends ? Oui, sur tous les Lego. 30% de réduction immédiate. C'est le Black Friday chez Leclerc. C'est le Black Friday chez Leclerc. Et mercredi 21 novembre, vous bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tout le rayon Lego. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.blackfriday.leclerc. Des Lego et 30% de réduction immédiate. Bon, on y va. Mercredi. Pendant ce temps chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple, pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 euros, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 euros si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. 3, 2, 1, ignition. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de Chloé quand elle a enfin compris à quoi sert la dérivée d'une fonction. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose pendant les vacances de Noël des stages de révision dans ses 110 centres partout en France. Réservez dès aujourd'hui une place pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Comprendre, ça s'apprend. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le dressing de Clara et Léo qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de collants et de boxers DIM. 50% Clara. Un prix bas pour débat. Mieux vaut ça que l'inverse. Eh. L'autre bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi pouvoir changer les vieux boxers de ton chéri. Jusqu'au 4 décembre, vos magasins Auchan proposent 50% en cagnotte sur une sélection de collants et boxers DIM. Et votre dressing change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire conditions et produits concernés en magasin. Tu te rends compte? C'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas trois jours, C'est toute la semaine, la Black Friday Week chez Saint-Maclou. Et si nous avons décidé de prolonger le plaisir, c'est pour que vous ayez le temps de profiter de 20% de réduction sur tout le magasin. Oui, 20% sur les parquets, vinyles, tapis, papier peint. Le genre d'offre qui n'arrive pas tous les jours, mais toute la semaine. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Offre valable jusqu'au 26 novembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Black Friday Week, semaine du vendredi noir. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Leader, je viens de voir qu'il fallait traduire en fait dans les publicités Black Friday, semaine du vendredi noir. Ils sont obligés parce que c'est des mots anglais. Bon, Hervé continue de parler sur le cas de Virginie Charlotte. Oui, qui a payé 101 000 euros pour la construction de sa maison et sa maison prend l'eau. Le problème viendrait de la toiture. Il y a des photos sur la page Facebook, ça peut vous arriver. Alors JB, je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions, mais ce que vous savez, vous le dites sous le contrôle de Virginie, c'est qu'ils sont venus avec des tuiles quand ils ont fabriqué la maison, mais... Exactement, ils sont venus avec des tuiles, mais ils n'ont pas toutes posées. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'il y aurait peut-être pas suffisamment de tuiles sur le toit. Donc non seulement ils les auraient pas posées toutes, mais en plus ils seraient repartis avec. C'est une supposition. Bah tant mieux, ils allaient pas lui laisser dans le jardin, quitte à s'il les mette pas autant qu'il les ramène. Mais surtout, voilà, on sait pas vraiment si peut-être qu'ils viennent avec un nombre de tuiles. Ils avaient peut-être plus que prévu. Peut-être qu'ils comptent pas à la tuile près. On peut pas savoir quand on pose. Il y a toujours un petit pourcentage en plus. Mais pas autant à votre mais avis. Mais bon, d'habitude on laisse quand même quelques tuiles aux clients si jamais il y en a qui sont cassées. Hervé continue de parler avec cette dame. On va voir s'il faut appeler l'assurance ensuite. Virginie, nous sommes avec vous dans quelques instants, un deuxième cas va démarrer. Mais là, tout de suite, c'est le grand Francis Cabrel sur RTL qui nous parle de sa vie. D'abord vos corps qui se séparent. Non, c'est pas de la sienne. T'es seul dans la lumière des phares. Du voisin. T'entends à chaque fois que tu respires comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines. Tu te retrouves seul, assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lèvres.

Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles. Modalités magasins participants sur intermarché.com. C'est le Black Friday chez Conforama. Avec une remise de 150€, le lave-linge frontal Candy 10 kg est à seulement 299€. Une grande capacité à petit prix. Mais vite, c'est seulement jusqu'au 26 novembre. Conforama. Conditions en magasin sur Conforama.fr. Merci d'avoir choisi RTL, la radio numéro 1. Deux cas ont été lancés. Dans une seconde, nous appellerons l'assurance dommage ouvrage de Virginie. A tout de suite. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous, Quentin Vinet. Bonjour. Bonjour à tous. C'est le cinquième jour de mouvement pour les Gilets jaunes, mais la mobilisation est moins importante que les jours précédents. Il reste quelques points de blocage ce matin, notamment à Calais, sur la 16, en Haute-Loire, sur la N88 ou encore sur la 62. En Gironde et dans le Lot-et-Garonne, le péage de Virsac, près de Bordeaux, a été évacué ce matin. Les autorités recensent de moins en moins de manifestants, mais elles s'inquiètent de la présence de casseurs qui se seraient infiltrés dans le mouvement. Le dernier bilan est de 2 morts et de 552 blessés. Tous les regards sont maintenant braqués vers la journée de samedi. Il y a des appels à manifester place de la Concorde à Paris. Plus de 30 000 personnes prévoient sur les réseaux sociaux d'y participer. Mais cette manifestation ne pourra pas se tenir sur la place pour des raisons de sécurité, explique le secrétaire d'État Laurent Nunez. Il demande aux organisateurs de trouver un autre endroit. Et fait nouveau ce matin, les routiers du syndicat Force Ouvrière annoncent qu'ils rejoignent le mouvement des Gilets jaunes. C'est la première organisation à se lancer. Ça nous fait plaisir, mais nous ne souhaitons pas voir leur banderole sur les lieux de blocage, prévient ce matin sur RTL un des porte-parole des Gilets jaunes. Le syndicat Force Ouvrière qui se réunit depuis ce matin à Paris, 200 responsables sont dans la capitale pour élire un nouveau secrétaire général. Le précédent Pascal Pavageau a démissionné et il y a 3 candidats. Dans l'actualité ce matin, le scandale qui risque de s'étendre au Japon, le tribunal de Tokyo a prolongé de 10 jours la garde à vue de Carlos Ghosn, le grand patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et soupçonné là-bas de malversation financière. Il aurait dissimulé une partie de ses revenus, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Renault le maintient à son poste de PDG, mais c'est le numéro 2, Thierry Bolloré, qui prend temporairement les rênes. Les médias japonais estiment ce matin que le scandale pourrait remettre en cause toute la gouvernance de Nissan. Des nouvelles de la bourse de Paris, elle ouvre à la hausse ce matin, plus 0,50%. Le CAC 40 est autour de 4 950 points. C'est l'inquiétude au Paris Saint-Germain. Ce matin, l'attaquant Kylian Mbappé en foot s'est blessé hier soir lors de la victoire 1-0 de la France contre l'Uruguay en amical. Il ressent une douleur à l'épaule. Le club de la capitale est inquiet car le Brésilien Neymar est lui aussi blessé à 10 jours d'un match capital contre Liverpool en Ligue des Champions. Les chevaux seront à l'hippodrome de Mokanchi cet après-midi. Ce sera l'avant-dernière étape du Grand National du Trot. Claude-Pierre Santi vous propose de jouer le 10, le 6, le 14, le 8, le 16, le 5, le 4 et le 12, le 10, le 6, le 14, le 8, le 16, le 5, le 4 et le 12. La dernière minute, c'est le 14. Les températures, elles remontent un petit peu ce matin, avec un ciel couvert dans l'est du pays. De fortes pluies ont touché le département du Gard. La nuit dernière, les pompiers ont effectué 142 interventions et 150 personnes ont été évacuées d'un camping de manière préventive. La vigilance orange est maintenant levée. Je vous donne quelques températures. Il fait 4 degrés à Paris, 5 à Lille, 6 à Lyon, 10 à Toulouse, 13 à Nice, 15 à Marseille. La maximale, 17 degrés pour Ajaccio. 10h04 sur RTL. Vous êtes en compagnie de Julien Courbet. Merci beaucoup, Quentin. Alors peut-être que Quentin, vous reviendrez pour nous parler. J'ai vu qu'il y avait donc des gilets verts qui allaient peut-être arriver. Vous avez vu ça ? J'ai vu ça, oui. Alors des gilets verts qui, eux, réclament maintenant beaucoup plus d'écologie et appellent à une manifestation. Bon, nous, en tout cas, avec Hervé Pouchol, on maintient notre manifestation gilets rouges pour un verre de Côte-du-Rhône donné toutes les heures dans tous les bureaux de France. Mais pour l'instant, on n'est pas très nombreux à être suivis. Merci Quentin, à tout à l'heure. Nous allons faire le point, si vous le voulez bien, sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30 dans cette émission. C'est parti. Le point sur tous les cas. C'est la Minute Info. Nous avons démarré avec Virginie. Chez elle, il y a des infiltrations de neige et de pluie. Tout prend l'eau. Son isolation est menacée. Elle attend que le constructeur de sa maison règle le problème au niveau de la toiture. Et nous avons pu avoir, d'ailleurs tout de suite, il faut la remercier, quelqu'un chez le constructeur, Céline. Oui, c'est Tradiatlas, ce constructeur. Et nous étions en ligne avec Natacha Pincou, qui est la gérante. Et alors, nous la remercions de nous accorder, bien sûr, autant d'attention. Donc, Maître Novakovic, ce que l'on a compris, c'est que Tradiatlas donc, a construit la maison. Aujourd'hui, il y a de l'eau qui rentre, ok. Mais Virginie avait souscrit une assurance. C'est d'ailleurs une règle d'or que l'on donne tout de suite. La règle d'or sur RTL. Elle a pris, c'est ce qui va peut-être la sauver, cette fameuse dommage ouvrage. On va bien sûr après revenir sur le fait qu'elle tarde à intervenir, cette dommage ouvrage, oui. Mais elle l'a en tout cas contractée. Absolument, et je la félicite, et je félicite d'ailleurs tous ceux qui font construire une maison. Systématiquement, il faut souscrire une assurance dommage ouvrage. C'est une assurance effectivement qui intervient à partir du moment où il y a un sinistre. Il faut faire déclarer le sinistre, et ensuite l'expert se rend sur place et essaye de résoudre les difficultés. Donc c'est très important. Combien vous a-t-elle coûté cette dommage ouvrage, Virginie, vous vous rappelez? Non, je ne saurais pas vous dire. Donc normalement, cette dommage ouvrage doit maintenant, ils ont envoyé un expert, il y a des délais d'ailleurs, je crois. Elle doit intervenir au bout de combien de temps? Elle doit réagir immédiatement, il n'y a pas de délai. Et d'ailleurs, elle a fait ce qu'il fallait et un expert a rendu son rapport. Maintenant, il faut absolument qu'il rende son rapport définitif. C'est pour ça que je propose qu'on l'appelle. Eh bien, vous préparez le numéro, vous passez les premiers barrages, s'il vous plaît, Hervé Bouchol, et dans quelques instants, nous aurons l'assurance et nous allons bien voir. On ne peut pas, nous, d'un côté, dire à tous les auditeurs, prenez des dommages ouvrages, si quand il y a un pépin, la dommage ouvrage ne s'actionne pas. Donc, il faut que cette assurance nous explique qu'est-ce qui traîne. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour les embêter, c'est parce qu'il y a un trou. L'eau rentre, donc elle passe par le toit, elle arrive dans les combles, et puis maintenant elle est en train d'attaquer les étages au-dessous, il y a de l'humidité partout, et ça va être, en plus le temps passe, plus la note va être salée, donc plus ça va être compliqué de rembourser, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, l'assurance va dire, ah bah oui, mais là, ça c'est pas nous. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Dans une seconde, il y aura le cas numéro 2 également, Charlotte. Vincent a emménagé en octobre et il n'a pas de chauffage chez lui, il y fait 14 degrés. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour tous ces cas logements. 3210, Facebook, la page, ça peut vous arriver, RTL.fr. Vous pouvez nous joindre n'importe où, n'importe quand. RTL, la radio numéro 1, vous souhaite une belle journée. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur ruedu-commerce.com, c'est la semaine du Black Friday. La machine expresso à capsule Nespresso revient à seulement 59,90€. Résultat des courses, tous mes amis passent boire le café chez moi. C'est la semaine du Black Friday chez Carrefour, Carrefour Market et sur ruedu-commerce.com. La machine expresso et son kit de 16 capsules Nespresso sont à 59,90€ au lieu de 79,90€ après déduction de la remise fidélité créditée sur votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Garantie 2 ans jusqu'à épuisement des 7000 pièces. Modalité magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chansons, en chansons, en chansons. Jusqu'au 26 novembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport ARCEP 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. C'est le Black Friday chez Conforama. Venez profiter de 50€ de remise sur le PC portable Acer 14 pouces. Soit un PC portable à seulement 149€. Le super cadeau qui fait plaisir sous le sapin. Conforama, du 20 au 26 novembre, conditions en magasin sur conforama.fr. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes toujours sur le cas de Virginie. Elle vit dans une maison qui prend l'eau et elle attend que le constructeur règle le problème de toiture. Le constructeur qui a fait appel à son assurance, en tout cas, ce qui a été, c'est pas son assurance, c'est pas l'assurance du constructeur, c'est la fameuse dommage ouvrage que Virginie a pris. Alors, où en est-on s'il vous plaît? Céline, Hervé, parle avec eux. Alors, Hervé est avec l'assurance et de mon côté, j'essaye de joindre l'expert. Il est avec la SMABTP, donc assurance qui est vraiment spécialisée là-dedans. Hervé, vous m'en dites plus? J'ai Cathy Tedesco avec qui je suis en ligne, je vais vous la passer. Merci de la beaucoup. SMABTP. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL et nous essayons de comprendre le cas d'une jeune maman célibataire qui a fait construire sa maison. Elle est passée par un constructeur, Tradi Atlas, et maintenant, malheureusement, la toiture prend l'eau. Donc ça a été avéré puisqu'un expert, elle a fait actionner sa dommage ouvrage qu'elle a pris de chez vous. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, Maître Novakovic, l'expert est venu. Oui. C'était Cathy Tedesco. Vous connaissez? Oui, c'est moi. Ah ben voilà Cathy, super, excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Donc Cathy, on en est où dans ce dossier? Eh bien, j'ai le rapport de l'expert qui chiffre les réparations et je dois envoyer une proposition d'indemnité à Madame Magie. Bon. Alors, je vous explique pourquoi. Oui, enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, je comprends tout à fait, madame, et je vais vous dire pourquoi il y a un petit peu urgence. C'est que plus les jours passent, plus la note va être salée, puisque l'eau rentre dans la maison maintenant. Oui, voilà. Mais on a chiffré des dommages consécutifs exactement en même temps que la réfection de la partie de toiture à reprendre. Alors, pour nous, c'est pas un dossier qui présente une quelconque difficulté. Ah mais la difficulté, elle n'est pas ni pour vous ni pour moi malheureusement, Cathy. Elle est pour Virginie qui vit dans une maison qui prend l'eau, ce qui est mais pas forcément super. Elle aurait dû m'appeler directement pour que j'essaye de passer son dossier en urgence. Hein, y a pas de souci. Moi, j'ai eu un mail de sa part le 20 septembre et j'ai reçu le rapport effectivement de l'expert il y a 3 semaines ou 15 jours, donc il va être traité, là je vais le faire passer en urgence s'il le faut, mais il suffisait qu'elle m'appelle. Hein. Oh, ben, elle n'a pas eu le réflexe, la pauvre, de vous appeler. Bon, et il faut, si vous pouvez très très rapidement essayer de lui dire maintenant, voilà, vous avez le go pour faire les travaux. Et dans ces cas-là, lui faire une proposition d'indemnité pour qu'elle puisse faire les travaux. Bon, alors Virginie, vous allez avoir cette proposition-là très rapidement, vous m'appelez dès que vous avez eu la proposition, Virginie, vous me dites si elle vous convient. Je veux dire que sous 8 jours, elle aura la proposition. D'accord, mais est-ce qu'il y a eu des dégâts, de nouveaux dégâts, Virginie, depuis, ou ça s'est stabilisé? Comme le temps est en notre faveur et qu'il ne pleut pas, pour super. L'instant, c'est stabilisé. C'est pour ça qu'il faut aller vite, alors. Très bien. Et après, Madame Tedesco, les travaux, elle les fait faire par qui, en fait? Par l'entreprise qui a déposé un devis. D'accord, ok, d'accord. Eh ben, ça donc, va. Elle aura tout ça expliqué dans le courrier. Il n'y a pas de souci. Vous ne voulez pas, hors antenne, je dis bien hors antenne, lui dire déjà ce à quoi elle a le droit, directement? Je peux même lui dire que pour l'instant, j'ai un devis de l'entreprise qui a prévu les travaux. Donc, il y aura le chiffrage du devis avec le détail des travaux qui vont être réalisés, puis le chiffrage des reprises intérieures estimées par l'expert. Elle aura tout le détail dans le rapport, il n'y a pas de souci. Bon, mais il faut que j'étudie le rapport, là, je ne peux pas comme ça. D'accord. Bon, ça vous prend combien de jours pour lui faire une proposition, madame, à peu près? Écoutez, on va voir le dossier d'ici la fin de la semaine. Elle aura la proposition la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup, madame. En vous souhaitant une bonne journée. À vous aussi. Au revoir, madame. Au revoir. Bon, Virginie, normalement, fin de semaine, vous allez avoir une proposition que, d'ailleurs, dans ces cas-là, ça, c'est une deuxième règle d'or. Ça. La règle d'or sur RTL. Alors, celle-là, je voulais te dire, elle m'est venue comme ça. Maître Novakovic, maintenant, on fait une proposition. Une proposition, ça ne veut pas dire j'accepte. Oui, tout à fait. L'assurance a bien respecté son obligation de proposer une indemnisation, elle va le faire dans les 90 jours. Mais il est vrai qu'elle n'est pas obligée d'accepter. Sauf que là, en l'occurrence, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, ce sont les devis d'entreprise pour réparer les dégâts. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, à la limite, c'est transparent, totalement transparent pour l'auditrice. Allez, ça marche. On fait ça, Virginie. Qui est là-dessus? C'est JB. JB, ça veut dire que fin de semaine, vous me mettez Virginie sur l'antenne pour qu'elle nous parle de la proposition qu'elle aura obtenue. On fait ça, Virginie? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Julien. Je remercie toute votre équipe parce que j'espère que le débat va avancer et puis qu'on puisse retrouver un peu de sérénité. Mais si fin de semaine, il n'y a pas de nouveau, Virginie, comptez sur nous pour vous retrouver sur l'antenne. Déjà, on va vous retrouver fin de semaine, au pire lundi, mais sinon, on rappelle, on y retourne. Vous verrez tout à l'heure en fin d'émission qu'on ne laisse jamais tomber les affaires. Et merci à Mme Pincou qui nous a parlé. Certains se cachent, raccrochent. Elle est venue, elle nous a parlé vraiment en toute transparence. Tradi Atlas, elle n'a rien à cacher, elle a fait ce qu'il fallait. Donc pour l'instant, voilà, je la remercie en tout cas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les dossiers avancent, c'est la seule chose qui nous intéresse. Nous allons passer au cas numéro 2 dans une seconde. Ils sont une cinquantaine dans un immeuble à ne pas avoir de chauffage et avec les températures qui chutent, le dossier devient urgent. Eh bien, nous allons maintenant écouter Culture Club parce qu'on a envie d'un peu de chaleur et c'est vrai que cette chanson « Do you really want to hurt me ?» c'est un peu les îles, c'est voilà, on a envie de se serrer contre quelqu'un, homme, femme, ce qui passe quoi. Et là, je le faisais régulièrement moi. Quelques beaux succès sur celle-ci. Hein. Oui. Oh, oui. Succès a duré quoi 20 secondes. C'était bien ça. Hein. Alors, Xavier Kassovitch, là, à mon avis, là-dessus, il a dû connaître quelque chose parce que vous verriez la tête qu'il fait. Moi, je sais de qui il s'agit. Il ne veut pas le dire, mais. C'était ma femme. My

Et là, un autre qui pointe le bout de sa coque. Bon, la traversée ne dure que 7 jours, alors on va vraiment en profiter à fond. Ouvrez les fenêtres et sortez les filets. Pendant le Black Friday chez SFR, du 19 au 25 novembre, c'est la semaine pour s'équiper. Profitez d'une sélection de mobiles à prix cassé. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent, avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés crédités sur ton compte Waouh. Moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animaleries Auchan. Et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Cas numéro 2, c'est parti. Nous démarrons donc. Notre auditeur est là. Nous l'avons salué. Vincent, expliquez maintenant en direct ce qui vous arrive, s'il vous plaît. Oui, alors du coup, j'ai emménagé dans un appartement début octobre. Et depuis ce jour, je n'ai toujours pas de chauffage dans mon appartement. Comme pas mal de voisins locataires comme moi, on est la moitié de l'immeuble à pas avoir de chauffage, alors qu'une autre moitié de l'immeuble a du chauffage. D'accord. On a fait de multiples relances auprès du bailleur pour avoir des informations et avoir une date d'intervention suite à ce problème-là. Et on n'a jamais eu aucun retour, aucune information que ce soit. Donc, avec les températures qui se rafraîchissent en ce moment, il est vraiment temps de faire quelque chose. Et c'est pour ça que je vous appelle du coup aujourd'hui. Alors je précise que vous payez 1246 euros de loyer. 1246, ce n'est pas rien. Dont 40 euros de chauffage. C'est un immeuble neuf ? C'est un immeuble neuf, oui, qui a été livré en juin dernier. D'accord. Donc il est encore éligible à la garantie de parfait achèvement. Et pour l'instant, on n'a aucune trace de cette garantie appliquée. Mais donnez-moi juste l'explication que l'on vous donne. Alors moi, on n'a donné aucune explication. Si vous voulez, depuis le début, on porte réclamation auprès de leur service client en leur demandant, en leur disant qu'on n'a pas de chauffage et qu'il faudrait programmer une intervention pour ça. Et par la suite, on n'a eu aucun retour de leur part. Quant à une prochaine intervention ou savoir déjà s'ils connaissent le problème de chauffage qu'on perçoit, savoir s'ils ont trouvé d'où venait le problème. Donc on n'a vraiment aucun retour de leur part. Alors Maître Fellonneau va nous faire son analyse. On rappelle qu'il y a donc une société qui commercialise, je suppose, et loue ses appartements. Lui, première question, Vincent, est-ce qu'il doit se retourner contre son propriétaire? Parce que là-dedans, il y a un propriétaire qui lui-même, malheureusement... est tributaire de la construction. Mais vers qui il doit se retourner? Mais légalement, c'est uniquement le bailleur qui est responsable de ce qui se passe chez son locataire. Maintenant, je tiens à préciser quand même que ce qui m'a surprise et choquée dans les échanges de mails, c'est que encore le 20 novembre, notre ami a téléphoné pour savoir à l'entreprise chargée de l'entretien de la chaudière, qui n'est au courant de rien. C'est-à-dire que c'est silence radio, tant du syndic que du bailleur, que du promoteur qui pourrait faire une expertise, etc. Rien. On ne va pas faire du poujadisme à 2 euros, mais encore une fois, il est inadmissible, et c'est ça qui fait que les gens, à un moment donné, pètent les plombs et sont en colère, c'est cette espèce de dédain. Vous êtes dans un appartement, il n'y a pas de chauffage, eh bien il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a vendu l'appartement, qui le loue, qui encaisse des loyers, parce que les loyers sont encaissés, donc on vous demande de payer 1246 euros, on vous demande de rajouter 40 euros ou dont 40 euros de chauffage, eh bien, est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, on dit, bon, allez, stop, on est lundi, vendredi, il y a le chauffage, on fait tout ce qu'il faut. On se renvoie la balle, etc. Puis au milieu, vous êtes là, vous payez, puis vous vous gelez. Donc imaginez un peu le quotidien de Vincent. Nous avons placé un micro ce matin dans sa salle de bain quand il est sorti de sa douche, le pauvre. Sa femme était dans la... T'es dans la chambre ! Est-ce que j'ai exagéré, Vincent, ou pas? Ah non, vous exagérez pas, voilà, du tout. Voilà. Actuellement, dans mon logement, il fait 14 degrés. 14 degrés, la nuit, vous êtes... on est obligé de se chauffer avec des radiateurs d'appoint électriques. Donc, ça, c'est la version. Du coup, on va payer une surconsommation électrique de plus pour se chauffer. C'est complètement inadmissible. Alors, ceci étant dit, bon, ça, c'était la version officielle. La version officieuse, c'est que Vincent rencontrait une femme extraordinaire qui, pour l'instant, tarde à lui accorder ses faveurs. Il s'est dit, en coupant le chauffage, elle sera bien obligée de se coller à moi. Est-ce que ça a marché, Vincent?

le propriétaire de l'appartement. Oui. Je peux appeler le bailleur qui s'occupe de la commercialisation et des loyers. Je peux appeler le constructeur ou je peux appeler le pape. Vous choisissez. Qui voulez-vous que j'appelle ? Alors, pas le pape. Moi, j'appellerais le bailleur. C'est celui qui gère la location pour le compte du propriétaire, qui est un propriétaire institutionnel, hein, Julien. Donc, effectivement, ils doivent intervenir dans cette affaire ou au moins tenir informé de leur diligence. Parce que peut-être qu'ils en ont fait, mais en tout cas, on les ignore. Allez, c'est parti. Nous appelons donc maintenant le bailleur. Steven Spielberg présente bien. Panique à Bagnolet. Une tempête de niveau 4 vient d'arriver, chef. C'est intenable, il faut évacuer tout le monde. Nous n'y arriverons jamais, nous allons tous crever. Steven Spielberg, au sommet de son art. Tempête à Bagnolet, actuellement sur les écrans. Est-ce que ça répond ? Parce que moi, non. Je veux bien meubler en mais faisant oui, le couillon comme bien. Ça, mais vous avez compris qu'il faut que ça soit limité dans le temps. Je ne vais pas faire tout le film de Steven Spielberg jusqu'à 11h. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un réponde. Écoutez, je suis en train de passer les barrages et dès que j'ai quelqu'un, promis, je vous le passe. Allez, c'est parti. Nous sommes en train d'appeler donc la société gestionnaire qui doit venir impérativement faire les travaux. Et je me tourne une seconde de nouveau vers Maître Fellonneau. Est-ce qu'effectivement, cette électricité qu'il va devoir payer en plus, même si c'est à la marge, par principe, il peut la réclamer. Et est-ce qu'il y a une sorte de préjudice de jouissance puisqu'il vit dans le froid qu'il pourrait réclamer ? Alors, effectivement, c'est dans des conditions qui manquent de décence au sens légal du terme. C'est-à-dire que l'appartement, en réalité, là, il est à la limite de devenir inhabitable. Alors, soit le propriétaire fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il devrait même acheter et fournir des radiateurs d'appoint qui soient corrects. Bien entendu, le surplus d'électricité sera pris en charge par le bailleur. Bien entendu, le remboursement des 40 euros de chauffage qui sont prélevés par provision tous les mois seront remboursés. Okay. Et on peut imaginer même qu'il y ait une baisse de loyer qui soit organisée, je vais soit vous même dire, judiciairement. Moi, je ne comprends pas. Imaginez, vous allez dans un restaurant où vous payez un menu, je ne sais pas moi, 20 euros avec entrée, plat, dessert, et on vient vous dire, je vous préviens, il n'y aura pas de dessert. J'ose espérer que le restaurateur va me dire, dans ces cas-là, vous n'allez pas payer 20 euros. Là, on dit aux gens, vous payez 40 euros pour le chauffage, c'est 40, hein, je crois, il n'y a pas de chauffage, mais tu les paies quand même, et tu paies quand même ton loyer. Ils ne font même pas une proposition pour calmer un petit peu les gens. Où en est-on ? Je n'arrive pas à passer les barrages. C'est mais alors très c'est compliqué. Quoi le barrage ? Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est des gilets jaunes, c'est quoi ? Je suis locataire. Après, on me demande de rentrer un numéro. Ensuite, on me demande si je suis en attente d'un logement. Enfin, il y a 50 questions avant de pouvoir en poser quelqu'un. Je n'aime pas le déranger quand il s'est assoupi, mais nous allons réveiller Hervé Pouchol, car lui, vous allez voir, a toujours une méthode. D'ailleurs, je ne veux même pas connaître ses méthodes pour avoir quelqu'un. Mais il va tenter d'avoir quelqu'un chez nos amis, puisque c'est eux que l'on appelle, de CDC. C'est les il va pourtant falloir appeler c'est. Espérons que ça leur donnera envie de nous répondre. Donc CDC Habitat, dont le patron est Yves Chazelle, le président du directoire André Hich. Ich. Quand j'ai dit ich et avalé de travers, je suis désolé. Que ce monsieur ne s'offusque pas, ce n'est pas son nom, mais le ich a dû créer un mouvement. Moi, je ne le dis plus. Là, vous avez raison. Venez de le dire, idiot. Nous retrouvons dans une seconde avec un autre cas, le temps que ce monsieur nous réponde. On va revenir sur le cas de Franck. Il a vendu son véhicule il y a presque 2 ans. Pourtant, 3 mois après, il reçoit un avis de contravention. On le saisit de 375 euros. Ah, merci beaucoup, Alain Hazard. On m'amène un verre d'eau que je bois en direct. Je n'ai vraiment pas le choix. Oh là là, mais quelle horreur! Mais non, c'est pas l'horreur! C'est pas pour moi! Pardon! Écoutez, ça suffit! J'ai pas l'habitude de boire de l'eau, pour une fois qu'on me donne un verre, j'en profite. Épargnez les auditeurs! Nous allons bien écouter à nos souvenirs ces 3 cafés gourmands sur RTL. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson,

Pendant les 7 jours à prix impressionnant, vivez un Black Friday géant. Chez Géant, l'ordinateur portable Thomson 14 pouces est au prix exceptionnel de 149,90€ au lieu de 175,90€. Et aujourd'hui seulement, profitez de moins 20% en plus avec la carte de fidélité ou moins 50% en plus avec la carte bancaire, soit une économie cumulée de 57%. Oui, 57% d'économie sur l'ordinateur portable Thomson. Cette année, la semaine Black Friday, c'est... Remise effectuée sous forme de cagnotte. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. France 2, l'émission politique présentée par Léa Salamé. Il ne s'est pas exprimé depuis son départ fracassant du gouvernement il y a 3 mois, mais il a encore des choses à dire. Face à l'urgence climatique et à quelques jours de la COP24, Nicolas Hulot est l'invité exceptionnel de l'émission politique. Demain soir à 21h, en direct sur France 2. Pendant ce temps, chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55€, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40€, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50€ si accordiac. Voir détails sur Renault.fr. Après nous trois au rien, Mauvaise Herbe, le nouveau film de Kairon. Une comédie réjouissante pour les fiches du cinéma. Un film où l'on passe du rire aux larmes, où l'on sort avec une furieuse envie d'agir pour un monde meilleur, selon Biba. Un bijou de comédie citoyenne drôle et poignante pour Cosmopolitan. Mauvaise Herbe, un film de Kairon, avec Catherine Deneuve et André Dussolier, actuellement au cinéma, avec RTL. Intermarché vous propose d'écouter le deuxième à moins 50%. Perdu dans le cosmos, la Voie lactée, ses mystères, ses constellations, de pralinés et son chocolat. Oh, son chocolat. Jusqu'au 2 décembre chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet de papillotes Voie lactée Révillon, le deuxième est à moins 50%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Paquet de 420 grammes, modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Apparemment, il y aurait peut-être du nouveau sur un cas, Céline. Alors, je suis un peu dépitée, c'est pour le cas de Vincent, le chauffage. Ouais. En fait, il se trouve que je suis passée par le siège donc, de CDC Habitat, le bailleur. On m'a transféré vers un numéro qui m'a transféré vers un autre numéro et ce second numéro ne répond pas, toutes les correspondances sont en ligne. Voilà, le travail. Mesdames et messieurs, nous essayons simplement d'avoir un bailleur chez donc CDC qui encaisse des loyers et qui encaisse aussi une partie chauffage pour des gens qui n'ont pas le chauffage. Certains ont décidé de faire un procès, sont partis. Nous voulons une explication et chez CDC, il n'y en a pas. Alors mettons ça sur le compte de mauvaise manipulation ou de transmission dans la communication, mais il faut vraiment que Monsieur André Hiche ou Monsieur Yves Chazelle de chez CDC, pouvez-vous s'il vous plaît avoir la gentillesse d'expliquer sur l'antenne d'RTL pourquoi des gens continuent de payer leur loyer alors qu'ils n'ont pas de chauffage? Certains sont partis parce qu'ils avaient des bébés, donc c'est, je pense, la moindre des choses de leur donner une explication. Donc ça c'est pour CDC Habitat qui se trouve à Paris. Place des Vins de France, oui. Hervé, mince. Alors... Normalement, c'est pour vous, ça. Mais oui, justement, mais voilà, je suis sur le point d'avoir le numéro de la directrice générale de Paris-Est. Eh bien, tant mieux. Habitat. Allons-y. Alors, il y a la maison mère. La maison mère, c'est la fameuse caisse des dépôts et consignations. Quel est son rôle? Elle a construit l'immeuble. Alors, elle, c'est elle le véritable propriétaire. Tous les autres ne sont que des délégués, en réalité. Bien entendu, on peut l'appeler. Le problème, c'est que je crois que l'information sera encore plus diluée, puisque ce sont les gens qui sont sur place, quand même, qui sont au courant. Mais il y a une personne, Julien, qui doit savoir quand même ce qui se passe. C'est le syndic. C'est une agence dans l'immobilier très connue et qui, lui, a peut-être les informations et qui fait souvent très le relais. Idée. On y va, s'il vous plaît. Et quant à Hervé, s'il n'arrive pas à voir quelqu'un, j'annonce un duplex demain matin. D'accord. Pour aller là-bas chez nos amis de CDC. Non, nous appelons donc le syndic. Donc, vous voyez comme c'est compliqué. Vous avez... la Caisse des dépôts et consignations qui a beaucoup de sous. Donc, il investit, il construit des immeubles. Cet immeuble, elle dit, je le donne à CDC pour que vous puissiez me trouver des locataires. Vous serez chargé d'encaisser les loyers, etc. Exactement. Et il y a un syndic, comme dans tous les immeubles, et ce syndic, c'est Foncia. Donc, voyons ce que va nous dire Foncia, puisqu'effectivement, il doit y avoir aussi un problème de partie commune s'il n'y a pas le chauffage dans une moitié d'immeuble. Non, mais exactement. Et souvent, c'est lui qui fait le relais pour l'assurance du dommage ouvrage, déclaration de sinistre et l'organisation des expertises. Alors, attention, ça sonne. Pour l'instant, personne ne répond. Après, il y a le constructeur. Ah oui, parce que j'ai oublié. Donc, je reprends. Mais il y a tout d'abord la caisse des dépôts et consignations qui a des sous et qui dit on va construire un immeuble pour investir nos sous. Ils vont donc appeler Vinci en leur disant est-ce que vous pouvez construire l'immeuble? Vinci dit oui, je construis l'immeuble. Une fois que Vinci a construit l'immeuble, il dit qui va le commercialiser? Là, vous avez CDC qui dit nous, on va le commercialiser. Là-dessus, il faut un syndic, il y a Foncia. Donc, inutile de vous dire que quand vous êtes, comme Vincent, au milieu de tout ça, ça devient très compliqué. Et ça ne répond pas donc chez Foncia. Ça va raccrocher au bout d'un moment, forcément. Au bout de chez Foncia, au bout d'un moment, il raccroche. Sachant qu'on ne sait même pas quelle agence Foncia gère cet immeuble, puisqu'on est obligé d'appeler le siège. Vincent n'a aucune information sur l'agence Foncia qui gère l'immeuble. Écoutez, à un moment donné, il faut, je crois, aller à l'essentiel. Vincent, demain matin, je vous retrouve sur l'antenne d'RTL. Nous organisons un duplex. Nous aurons CDC. Donc, chez Foncia, donc, ça ne répond pas. Ça, je ne comprends pas. Et pour l'instant, CDC, on nous passe des gens. Allez, repassez-moi une dernière fois CDC. Le siège, s'il vous plaît. Le 0155. Faisons-le. Tentons, parce que c'est quand même inadmissible d'être comme ça dans des appartements sans chauffage, avec des parties de ping-pong où ça se renvoie la balle et pendant ce temps-là, tu paies le loyer. Eh ben non, ça ne peut pas être comme ça. Il peut ne pas y avoir de chauffage, ça peut arriver, mais on trouve des solutions, monsieur. On va vous payer des chauffages, du chauffage électrique, on va vous diminuer votre loyer, mais on ne dit pas, on ne fait rien. Alors on va nous dire c'est en cours, mais c'est en cours, ça ne veut rien dire quand on a froid, je vous le dis tout de suite, moi. Donc là, on appelle, écoutez bien. Le siège, le standard du siège du groupe CDC. Il y a des boîtes où il y a trois employés, où il y a une assistante qui répond. Chez CDC, on a trouvé la solution pour faire des économies. Et pour éviter les problèmes... Évidemment, c'est de l'humour, hein, ce que je fais. Ne répondons pas. Mais évidemment que t'as des problèmes d'aider à gérer toute la journée, tu réponds au téléphone, crétin. Bah, t'es fait comme moi, tu réponds pas, t'as un peu de problème. Voilà, ça pourrait se passer comme ça, mais on ne dit pas que c'est comme ça. Je veux juste voir si chez CDC, il n'y aurait pas un petit emploi à créer. Il y a du chômage en France. Une petite assistante, premier boulot, SMIC, c'est normal, on démarre tous comme ça, en bas de l'échelle, et puis on monte petit à petit, où elle pourrait répondre et dire CDC, bonjour, j'ai bien pris le numéro de téléphone, je vais le transmettre à quelqu'un qui vous rappellera. Ça sonne voilà. Plus, Julien. Ah bah oui, parce qu'au bout d'un moment, même la sommeil... C'est-à-dire, même, vous rendez compte, l'intelligence artificielle qu'il y a dans le téléphone qui dit à un moment donné, bah, ça sert à rien, je continue à sonner, de toute façon, ils ne décrocheront pas. Et donc, la sonnerie elle-même se met en grève. Bon, allez, CDC, et faisons en sorte que tout ceci ne tourne pas à la farce. Monsieur André Hiche, j'attends de vos nouvelles demain, duplex. Nous allons maintenant nous retrouver. Quoi, attends, déjà, tu ne me tutoies pas. Attendez, mon petit bichon. Patronne, il y a, peut-être pas aujourd'hui, mais il faudra prendre la peine quand même d'appeler le constructeur, parce que là on est dans la garantie de parfait achèvement. Allez. Donc il doit rentrer en piste. Essayez d'avoir quelqu'un chez Vinci, s'il vous plaît, pendant que nous marquons une petite pause. Ensuite, nous n'aurons plus beaucoup de temps, il va bien falloir caser deux, trois petites choses. Souvenez-vous de cette injustice incroyable alors qu'il a vendu son véhicule et qu'il a l'accusé d'enregistrement de la préfecture. Franck reçoit toujours des amendes pour cette voiture et a même perdu 3 points sur son permis. Ah, il a tellement d'amendes qu'il pourrait en faire des apéros. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. On en parle. Le recyclage, c'est l'affaire de tous. Il implique différentes activités et donc différents métiers. On en parle avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez un site de recyclage. Quel est votre objectif ? Eh ben, notre enjeu principal, c'est la bonne prise en charge des produits en fin de vie, les recycler et les valoriser pour limiter l'impact sur l'environnement. Alors, l'important, c'est de séparer et de préparer les matériaux pour pouvoir les réintégrer au mieux dans la fabrication de nouveaux produits. Alors, est-ce qu'on peut dire que le recyclage est un secteur innovant? Alors certainement, on améliore sans cesse la qualité du recyclage. On trouve de nouveaux procédés de dépollution et on invente de nouvelles utilisations pour les matériaux recyclés. Alors, qui dit nouveaux procédés, dit nouveaux métiers. Exactement. Le recyclage, c'est un secteur porteur et créateur d'emplois, et y compris des emplois en insertion. Et c'est le cas, par exemple, des activités de collecte et de tri des déchets, qui sont indispensables au recyclage. Donc, recycler, c'est doublement positif. Pour l'environnement et pour l'économie. Certainement. Merci, Nicolas. Plus d'infos sur ensemblerecyclons.fr. Pendant les 7 jours à prix impressionnant, vivez un Black Friday géant. Chez Géant, l'ordinateur portable Thomson 14 pouces est au prix exceptionnel de 149,90€ au lieu de 175,90€. Et aujourd'hui seulement, profitez de moins 20% en plus avec la carte de fidélité ou moins 50% en plus avec la carte bancaire, soit une économie cumulée de 57%. Oui, 57% d'économie sur l'ordinateur portable Thomson. Cette année, la semaine Black Friday, c'est remise effectuée sous forme de cagnotte. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. La fille des Templiers, c'est le grand roman de Mireille Calmel. Vous avez lu le tome 1 ? Bonne nouvelle ! Le tome 2 est aujourd'hui en librairie. Vous ne l'avez pas lu ? Deuxième bonne nouvelle, les deux tomes vous attendent pour vivre un incroyable roman d'aventure. La fille des Templiers, de Mireille Calmel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le dressing de Clara et Léo qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de collants et de boxers DIM. 50% Clara, un prix bas pour débat. Mieux vaut ça que l'inverse. Eh, l'autre bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi pouvoir changer les vieux boxers de ton chéri. Jusqu'au 4 décembre, vos magasins Auchan proposent 50% en cagnotte sur une sélection de collants et boxers DIM. Et votre dressing change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire conditions et produits concernés en magasin. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson. Jusqu'au 26 novembre, 9h, profitez du forfait 50Go à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces chausses? Rapport ARCEP 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription. Un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soche.fr. Soche ! Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. 9h30-11h sur RTL, voici l'arnaque en temps réel en attendant qu'Hervé Pouchol nous donne des nouvelles puisque nous avons appelé le constructeur de l'immeuble. D'après le journal La République du Centre, des faux clients se rendent depuis début novembre chez de nombreux commerçants du Loiret. Non pas pour faire des achats, mais pour repérer des terminaux de paiement potentiellement en panne. Une fois les appareils défectueux discrètement pointés, ces individus appellent les établissements concernés en se faisant passer cette fois pour la société de maintenance. Et d'un ton convaincant, il propose de débloquer le terminal à distance. Pour cela, il demande aux professionnels d'introduire leur carte commerçant dans l'appareil, puis de pianoter un code. Sauf que les chiffres en question sont en réalité le numéro de carte bancaire des individus. Résultat des courses, un restaurateur a perdu 1000 euros le 7 novembre. Trois jours plus tard, une fleuriste, 3000 euros. Pardon, l'enquête est en cours. Les policiers appellent les commerçants à la plus grande vigilance. Et là encore, hein, on voit l'imagination. Maître Novakovic, il s'adapte aux techniques de plus en plus, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus méfiant dans tous les domaines, surtout au niveau bancaire. Il ne faut rien faire par téléphone. En fait. Voilà, déjà quand on vous dit, voilà, je suis un tel où je suis un plombier, je dois venir, ou là en l'occurrence je suis une société de maintenance, et bien faites un contre-appel. Dans ce cas-là, vous dites, écoutez, donnez votre numéro, enfin, je vous rappelle, vous prenez votre contrat, vous voyez le numéro de la société de maintenance, et vous rappelez, et là ils vous diront c'est bien eux ou pas. Et ce que disent effectivement systématiquement la gendarmerie, c'est soyez vigilants, attention, ne vous précipitez pas, ne vous affolez pas, vérifiez systématiquement si vous avez affaire à la bonne personne. Est-ce qu'on avance de votre côté, Hervé Pouchol? Donc on rappelle quand même sur ce dossier, déjà, on va rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre à la dernière minute, le problème de Vincent. Il fait 14 degrés dans son appartement, une cinquantaine de personnes dans l'immeuble sont concernées et pour l'instant, il n'a pas de nouvelles de son bailleur. On a bien compris que tout d'abord, il y a la Caisse des dépôts qui a beaucoup de liquidités, donc qui fait énormément de construction. La Caisse des dépôts décide de construire un immeuble. Donc elle va voir Vinci en lui disant, construisez l'immeuble, tenez, voilà des sous pour construire un immeuble. Vinci construit l'immeuble. Une fois que c'est construit, je suppose que la Caisse des dépôts dit, la CDC Habitat, vous allez me gérer tout ça, c'est vous qui encaissez les loyers, etc. Il n'y a pas de chauffage dans la moitié d'immeubles. Les gens se pèlent, ils sont obligés de partir alors qu'ils paient un loyer. On parle quand même de 1100 euros de loyer, dont 40 euros de chauffage. Et il y a un syndic, Foncia. CDC, personne ne répond, même au standard. Foncia, vous avez appelé. Foncia, personne ne répond. Voilà, et donc du côté de Vinci, le constructeur, pour savoir pourquoi il n'y a pas le chauffage? Eh bien, personne ne répond non plus. Voilà. Moi, j'étais sur une piste et je n'ai pas laissé tomber. Hein. Bon, ben continuez. Et demain, de toute façon, vous le savez, vous faites une grande tournée de duplex pour essayer d'avoir des solutions. Avec plaisir. Ben, j'aimerais bien vous dire I'm happy, mais non, je vais chanter la chanson de Pharrell Williams, I am not happy. Crazy what I'm about. Nous allons faire en sorte que les choses s'arrangent. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même qui me rend heureux. Je peux quand même chanter I'm happy, puisque je vous rappelle que le 1er décembre, je dors chez Maître Novakovic, puisqu'elle habite à Enga-les-Bains, et que je jouerai le one-man show au casino d'Enga-les-Bains. Et pour éviter à la production une chambre d'hôtel onéreuse, j'irai chez elle avec pendant plaisir. Que son époux, très gentiment, a proposé de surveiller ma voiture devant chez moi toute la nuit. Et ça, je dois dire qu'il est vraiment adorable de ce côté-là. N'est-ce pas ? Donc, 1er décembre au casino d'Enghien et on sera le 12 janvier au casino de Bordeaux. Point info rapido, c'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Virginie ! Sa maison construite en 2017 rencontre des problèmes de toiture, les combles prennent l'eau et l'isolation est menacée. Tout va bien, nous avons eu le constructeur et l'assurance. Crédit Atlas, tout va bien, tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. C'est surtout l'assurance ouvrage SMA BTP qui va nous en dire plus d'ici la fin de la semaine et donner une indemnisation. Pour Vincent, par contre, gros dossier, puis on y revient demain toute la journée s'il le faut. Il fait 14 degrés dans son appartement, une cinquantaine de personnes dans l'immeuble sont concernées. On est bien d'accord que CDC Habitat ne répond pas. Nous avons donc demandé au président du directoire, à M. Hich ou à M. Yves Chazel, de bien vouloir nous donner des nouvelles. Personne ne répond, même pas une standardiste. Nous avons essayé d'avoir le syndic Foncia, personne ne répond non plus. Personne ne répond. Et Vinci, pas grand monde. Donc vous voyez que c'est quand même un peu chou blanc. Donc demain, 9h30, des duplex sont organisés un petit peu partout. Monoprix. We wish you a Merry Black Friday. We wish you a Merry Black Friday. Et tout plein de promos. Chez Monoprix, le Black Friday, c'est Noël avant l'heure. Profitez de promos exceptionnelles. 30% de réduction immédiate sur toute la mode, tout le cachemire et toute la déco jusqu'au 25 novembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Toyota. Alors, on va vérifier votre vue. Oh, merci, docteur. Regardez mes mains. Combien j'ai de doigts ? 20. Très bien. Regardez-moi en face. Là, combien j'ai d'yeux ? 4. Exactement. Votre vue est absolument parfaite. Ah. Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économies à l'achat sur la gamme hybride. Et en plus, faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié. Voir détails sur toyota.fr. Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur la Redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Leclerc. Thibaut, mercredi chez Leclerc. Et mercredi seulement, 30% de réduction immédiate sur les Lego. Je dis ça, je dis rien. Tu veux dire Lego Ninjago, Lego City, Lego Star Wars, Lego Friends ? Oui, oui, sur tous les Lego. 30% de réduction immédiate. C'est le Black Friday chez Leclerc. C'est le Black Friday chez Leclerc. Et mercredi 21 novembre, vous bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tout le rayon Lego. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.blackfriday.leclerc. Des Lego et 30% de réduction immédiate. Bon, on y va. Mercredi. Il suffit de 6 numéros. Ce mercredi, jackpot loto de 11 millions d'euros et 10 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Merci à Maître Novakovic, avocat pénaliste. Merci à vous, Maître Felloneau, à toutes les équipes. Nous avons notre Stéphane qui est là. Oui, mon cher Julien, bonjour. Mais je suis en très bonne compagnie. Ce matin, nous recevons Anaïs de Moustier et Pierre Ninet pour Sauver ou Périr, un très beau film. Histoire de soldats du feu, de pompiers dont on a vraiment besoin. Vous avez longtemps été le pompier d'RTL. La radio vous doit beaucoup, Stéphane Bern. Et vous allez continuer. Le feu, vous êtes donc un pyromane. Moi, je mets le feu et vous l'éteignez derrière. Voilà. Allez, merci. Bonne émission, merci, Stéphane. Merci, Julien. Bonne C'est en direct.